Pourquoi raconter encore l'histoire de Clovis et du vase de Soissons? Je ne sais pas si les enseignants d'aujourd'hui racontent encore à leurs élèves l'histoire du vase de Soissons. Je me souviens que, lorsque j'étais enfant, cet épisode m'avait beaucoup marqué. J'ai gardé le souvenir de cette illustration où l'on voit Clovis brandir sa hache pour couper le cou au malheureux qui avait osé lui tenir tête, si je puis dire. Je ne pense pas que notre instituteur nous ait précisé que cet événement ne fut consigné par écrit qu'un siècle après les faits, dans la fameuse « Histoire des Francs » écrite en latin de Grégoire de Tours. Ce dernier situe l'affaire du vase de Soissons vers l'an 486, au cours de la guerre entre Clovis Ier, le roi des Francaliens, et le Romain Syagrius. « En ce temps-là, écrit Grégoire, beaucoup d'églises furent pillées par l'armée de Clovis parce qu'il était encore enfoncé dans les erreurs du fanatisme. Après la prise de Soissons, sa capitale, ses soldats pillèrent une église du diocèse. L'évêque demanda alors à Clovis la restitution d'un vase liturgique de grande valeur. La coutume de ce temps voulait que le partage du butin soit tiré au sort entre les très valeureux guerriers. Clovis leur demanda de lui restituer ce vase en plus de la part du trésor de guerre qui lui revenait. Mais Grégoire de Tours raconte que l'un de ses soldats refusa et frappa le vase de sa hache en s'écriant « Tu ne recevras que ce que le sort t'attribuera vraiment ». Clovis se sentit humilié, mais, ajoute Grégoire, il garda sa blessure cachée dans son cœur. Quelque temps plus tard, Clovis, ayant eu l'occasion de passer ses guerriers en revue, reconnut le soldat insolent. Constatant que sa tenue et ses armes laissaient à désirer, il les jeta à terre. Le soldat se baissa alors pour les ramasser et Clovis en profita pour lui briser le crâne d'un coup de Francisque en disant « Ainsi as-tu fait au vase à Soissons ?» Une phrase qui fut modifiée par les ouvrages scolaires de la Troisième République pour faire dire à Clovis « Souviens-toi du vase de Soissons ». Les historiens spécialistes du Haut Moyen-Âge sont convaincus que Grégoire de Tours n'a certainement pas inventé l'anecdote du vase, car elle devait circuler dans les milieux ecclésiastiques de son temps. Mais Grégoire mit à profit son art du récit pour en faire une histoire édifiante qui fit l'objet d'une multitude d'interprétations au cours des siècles suivants. Il semble évident que son but était de servir l'intérêt de sa communauté religieuse. Il cherchait à montrer que Clovis, encore plongé dans le fanatisme, se distinguait déjà de ses guerriers par son respect des clercs. L'affaire du vase de Soissons fut ainsi présentée comme un signe avant-coureur de sa conversion au christianisme qui eut lieu vraisemblablement en 496 et qui fut racontée elle aussi par Grégoire de Tours. Lorsque j'essaye de me souvenir ce qu'un enfant de 10 ans pouvait retenir de cette leçon d'histoire, je me dis que ce qui m'avait sans doute le plus impressionné, c'était la leçon de morale. Si vous résistez aux ordres de vos chefs, vous en subirez les conséquences terribles, tôt ou tard. C'est peut-être pour cela que je n'ai jamais cassé de vase.